Collège de France a été créé au XVIe siècle pour enseigner des matières qui ne l'étaient pas à l'université et pour développer un enseignement libre, mais l'esprit est resté. Les cours du Collège de France par Meryl Meneghetti. Donc le Collège de France est une institution qui est faite pour la recherche fondamentale et pour lui permettre de se développer dans des conditions de confiance avec le temps qu'il faut pour que la recherche puisse se développer. Vous voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Quelle est l'histoire des fouilles du site de la ville d'Our depuis 1854 ? Qui était l'archéologue Woolley au temps du mandat de la Grande-Bretagne sur l'Irak ? Comment ces différentes campagnes de fouilles marquent-elles une période majeure de l'histoire du site de la ville d'Our entre 1922 et 1934 ? S'interroge Dominique Charpin. Quelles étaient les relations du grand archéologue avec les épigraphistes ? Comment la dessinatrice de Woolley s'est-elle retrouvée dans un roman d'Agatha Christie ? Et comment Woolley, pour protéger des objets précieux, s'est-il trouvé à écrire un télégramme en latin ? Entre petite et grande histoire, l'assyriologue Dominique Charpin, titulaire de la chaire Civilisation mésopotamienne, ouvre sa nouvelle série sur la ville d'Our à l'époque paléo-babylonienne par l'histoire des fouilles et des publications, en décrivant les principales découvertes ainsi que les changements dans les méthodes de recherche. Enseignant-chercheur, homme de terrain et de texte, mais aussi homme de l'ère numérique, il présente en fin d'heure les projets récents Our Online et Écriture Our. Après des études d'histoire, d'archéologie et de philologie à la Sorbonne, Dominique Charpin, qui s'est pris de passion pour la région de l'ancienne Assyrie, suite à des voyages de classe en Turquie et en Syrie, s'est spécialisé sur la Mésopotamie au deuxième millénaire avant Jésus-Christ, l'époque paléo-babylonienne, qui est dominée par la figure illustre du roi Hammurabi. Dans son livre « La vie méconnue des temples mésopotamiens » publié en 2017, Dominique Charpin revient sur le sens de sa démarche, de ses premiers travaux à son enseignement au Collège de France, entre recherche de terrain, travaux sur les sources et rédaction, et je le cite. « Mon expérience de l'archéologie orientale a débuté par les fouilles du Temple du Soleil à Larsa, en 1974, à laquelle j'eus la chance d'être associée par Jean-Louis Huot, alors que je débutais mon année de maîtrise. Plus tard, je fus amenée à m'intéresser de manière approfondie au grand sanctuaire d'Our, dont j'étudiais le clergé dès ma thèse d'État. Si j'ai décidé de consacrer au temple mésopotamien ma première année de cours au Collège de France, en 2014, c'est avant tout parce qu'un tel thème me fournissait une occasion privilégiée d'aborder un aspect essentiel de la civilisation mésopotamienne de manière globale, en combinant les informations des textes avec les témoignages matériels des fouilles. Il convient en effet de dépasser les frontières selon le beau mot d'ordre du CNRS. Celle qui sépare les archéologues des épigraphistes n'est d'ailleurs pas la seule. À l'intérieur même de l'assyriologie, les spécialistes de la littérature ne voient pas toujours ce que les documents d'archives peuvent apporter et la nécessaire spécialisation coupe trop souvent la sumérologie du reste du domaine cunéiforme. Dans le cours d'aujourd'hui, il rappelle que l'archéologue Woolley a toujours eu à cœur de toucher le grand public. Et Dominique Charpin lui-même s'inscrit dans cet esprit. « J'ai souhaité rendre ce livre accessible à un public de non-spécialistes, comme l'avait été mon cours selon la tradition du Collège de France, dont la mission est d'enseigner la recherche en train de se faire. » Nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 4 avril 2018 pour le cours de Dominique Charpin, intitulé « La ville d'Our à l'époque paléo-babylonienne ». Aujourd'hui, histoire des fouilles et des publications. Il me faut pour commencer le cours d'aujourd'hui légitimer le choix du sujet de cette année, à savoir la ville d'Our à l'époque paléo-babylonienne. Alors je commencerai par, si vous me permettez, des raisons personnelles. C'est un sujet qui me tient à cœur depuis ma thèse de troisième cycle et ma thèse d'État. qui ont été consacrés partiellement ou totalement à cette ville, et j'ai eu la chance de visiter Our en 1974, alors que je fouillais pour la première fois en Irak, sur le site de Larsa. De façon moins personnelle, il faut dire que la dernière synthèse pour l'époque paléo-babylonienne, spécifiquement pour Our, date de 1992. Je mentionne juste pour mémoire le livre, à vrai dire, très décevant que Harriet Crawford a publié il y a 3 ans. Et j'indique en revanche une excellente synthèse collective, mais qui porte sur tous les aspects, archéologie et texte, et sur toutes les périodes, qui est parue dans le Real Lexicon, qui sont en fait des contributions toutes en langue anglaise. Donc, en une trentaine de pages, vous avez, de façon très résumée, une excellente synthèse. La raison principale pour laquelle j'ai choisi la ville d'Our, c'est bien sûr la reprise de la fouille du site sous la direction d'Elizabeth Stone en 2015, avec une deuxième campagne en 2017, et toutes les deux qui ont été extrêmement fructueuses. On aura amplement l'occasion d'en reparler. Et par ailleurs, il y a 2 projets, l'un qui est terminé, l'autre qui commence. Celui de Our Online, des Anglais du British Museum et des Américains de Philadelphie qui ont mis en ligne toute la documentation de la mission de Woolley, carnet de fouilles, photos, rapports internes, etc. Et j'ai eu recours pour préparer mes cours à toute cette documentation qui est extrêmement riche. Et l'autre projet, j'en parlerai la semaine prochaine, qui est financé par l'ANR et que j'ai débuté avec mon équipe en octobre dernier, s'appelle Écritour, un jeu de mots qui vaut ce qui vaut, et je vous en reparlerai donc plus précisément la semaine prochaine. Alors brièvement, je voudrais vous donner le plan des 10 cours que nous allons faire ensemble. Aujourd'hui donc, l'histoire des fouilles et des publications, que je serai amené à prolonger la semaine prochaine, qui sera également consacrée à l'histoire d'Our depuis la chute de la troisième dynastie jusqu'à son abandon par Samsou Iluna, donc en gros le premier quart du deuxième millénaire. Nous aurons un 3e cours qui sera consacré à l'environnement et à l'urbanisme de la ville d'Our. Ensuite, nous nous attacherons au grand sanctuaire du dieu Lune, Nana en sumérien, Sin en acadien, qui s'appelle l'Ekishnougal. Après quoi, nous verrons un bâtiment particulier qui s'appelle le Doublamar, et ça nous permettra de dresser un tableau de la vie juridique dans la ville d'Our. La séance du 30 mai sera consacrée à un bâtiment qui s'appelle le Guiparcou et qui nous permettra de voir comment religion et politique se nouaient autour de princesse royale qui portait le titre de Entoum. On poursuivra la semaine d'après avec l'étude du clergé et de son habitat. L'habitat sera toujours le sujet de la séance d'après, mais cette fois-ci un autre quartier dans lequel on a recueilli principalement des données sur la vie économique de la ville. Et on aura le 20 juin une séance sur la question de la formation des scribes et des problèmes de littératie. Le mot est en train de s'imposer en français, donc je préfère l'utiliser plutôt que l'équivalent anglais. Et on terminera par la question de la domination babylonienne sur la ville d'Our et sa fin. Si vous êtes intéressé par des résumés un petit peu plus nourris, vous pouvez d'ores et déjà aller voir sur le site du collège où ça figure en ligne. Pour aujourd'hui, donc, nous allons retracer l'histoire des fouilles jusqu'en 1934 et celle des publications des données issues de toutes ces riches campagnes. Mais avant même de retracer l'histoire des découvertes, il me faut présenter rapidement le site. Il se reconnaît de loin à cause de l'imposante masse de sa tour à étages, autrement dit sa ziggourat, et par ailleurs cela explique le nom arabe moderne du site, Tel al-Mukayr, ça signifie la colline du bitume. Et cela parce que le bitume était utilisé comme mortier dans la construction de la ziggourat et des bâtiments publics environnants. Le tel lui-même a une forme plus ou moins ovale, avec 1200 mètres de long sur à peu près 800 mètres de large et domine d'à peu près 20 mètres la plaine environnante. L'histoire des découvertes peut être retracée en trois phases. Les préliminaires de 1854 à 1919, puis les 12 campagnes de Woolley de 1922 à 1934, et la dernière partie du cours d'aujourd'hui sera consacrée à une présentation des principales publications issues de ces fouilles, et on terminera cette historique dans la première partie du cours de la semaine prochaine avec la troisième phase, c'est-à-dire la reprise des fouilles depuis 2015 et en même temps donc la présentation de ce projet écriture. Le premier explorateur occidental qui mentionne le site d'Our, c'est Pietro della Valle dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, et il a fallu attendre 1853 pour que des fouilles soient entreprises. Elles sont dues à John Taylor, qui était à l'époque vice-consul britannique à Bassora. C'était l'époque des débuts de l'archéologie orientale, donc le fait de diplomates, de militaires ou de religieux, c'était à peu près ça la personnalité des pionniers. Et sur le site d'Our Online, on trouve cette description de la campagne de Taylor. Il mit l'accent sur la ziggourate et découvrit des cylindres d'argile inscrits ainsi que des briques portant l'empreinte d'inscription qui permirent à Rawlinson d'identifier Tel al-Mukayr comme la ville légendaire connue comme Our en Chaldée selon la tradition, patrie du patriarche biblique Abraham. Dans cette notice, on ne trouve pas mention des archives privées qui ont été découvertes par Taylor dans ce qu'il a appelé Tomb Mound, le mont des tombes, une partie du site désignée plus tard par Woolley comme EH. Taylor pensait avoir affaire à un grand cimetière parce que dans cette zone du site, il ne découvrait que des tombes. Ce qu'il ignorait, c'est que à l'époque paléo-babylonienne, on avait des caveaux funéraires sous le sol des maisons. C'est ce que par la suite Woolley a découvert, mais à cause de l'érosion, dans la zone où il se trouvait, le rez-de-chaussée des maisons avait disparu et il ne restait que les caveaux en sous-sol. Et c'est là qu'il a fait une découverte intéressante. Au fond de la voûte décrite ci-dessus, je trouvais, près des fondations, une petite tablette d'argile crue inscrite, et je dégageais, à seulement 2 pieds sous la surface, environ 30 petits ou grands fragments du même type. Étant si proches de la surface, ils étaient naturellement très mal conservés. Et l'on possède, dans les archives du British Museum, une lettre de Rawlinson aux trustees du British Museum qui prouve que ces tablettes ont bien été envoyées au British Museum. Il écrit « La collection de briques, tablettes et cylindres qu'il a emballées pour le transport en Angleterre promet d'être d'un grand intérêt. » Mais c'est là qu'un malheur est arrivé. Les objets envoyés par Taylor à Our, à l'arrivée au British Museum, ont été mélangés avec d'autres découvertes exactement au même moment par Loftus sur un site qui n'était pas très éloigné, une trentaine de kilomètres, tel chiffre, l'ancienne Kutala. Et donc elles ont été enregistrées ensemble comme provenant de tel chiffre au British Museum. Et c'est cet ensemble d'une centaine de tablettes qui a été publié pour la première fois par Strassmayr, avec une erreur supplémentaire, puisque Strassmayr avait indiqué que ces tablettes provenaient de Warka, c'est-à-dire de la ville d'Uruk. Notez au passage que 1882, c'est la date donc de la première publication de tablettes d'époque paléo-babylonienne. 50 ans plus tard, les mêmes tablettes ont été recopiées de manière plus fidèle par Charles-François Jean, qui corrigea l'attribution de Warka en tel chiffre, mais qui ne réalisa toujours pas qu'un tiers des tablettes qu'il copiait n'avait pas de lien avec le reste. Et c'est en août 1978, il y a presque 40 ans, que je travaillais sur ma thèse de troisième cycle, comme on disait alors. Mon idée était d'écrire une monographie à partir des archives de Tzili Eshtar et de son frère, qui avaient été découvertes à tel chiffre. Et plus j'avançais dans ma recherche, plus j'avais un problème, parce que j'avais 75 tablettes qui formaient un ensemble parfaitement cohérent, et 34 autres qui avaient des liens entre elles, mais qui n'avaient aucun lien avec le reste. Alors, Krauss avait déjà observé que certains de ces contrats errants respectaient le formulaire en usage à Our, et par ailleurs, Ringer avait vu qu'il y avait des liens prosopographiques entre certaines de ces tablettes et d'autres publiées dans UET5, mais on en était resté à ces observations timides. Et moi, j'étais là à me demander ce qui avait bien pu se passer. Est-ce que c'était des textes rédigés à Our qui auraient été transportés à tel chiffre? Et puis, finalement, j'ai compris que c'était bel et bien des textes rédigés à Our. Et en faisant quelques recherches, ce qui n'était pas si facile aujourd'hui que de nos jours où tous les documents sont disponibles sur la toile, j'ai fini par mettre la main sur le rapport de Taylor dans le Journal of Royal Asiatic Society de 1854. Et j'ai fini donc par avoir la certitude qu'il s'agissait bel et bien des tablettes découvertes par Taylor à Our. Et mon livre, publié en 1980, a reçu un accueil très positif. Avec le recul, je regrette simplement le sous-titre « Étude des documents de tel chiffre ». Il aurait mieux valu sous-titrer le livre « Étude de documents d'Our et de Koutala, tel chiffre ». Ça aurait été plus clair, mais c'est fait. On poursuit donc ces premières campagnes avec ce qui s'est passé juste après la Première Guerre mondiale. Les fouilles ont repris à Our grâce au British Museum. Dans un premier temps, c'est Campbell Thompson qui a fait ce qu'il appelle des « test excavations » pendant environ une semaine, mais il s'est surtout intéressé au site d'Eridu voisin, sur lequel nous reviendrons dans le troisième cours. Et une année plus tard, Hall a également fouillé à Our, et à ce moment-là, il a pu bénéficier de la main-d'œuvre fournie par 70 prisonniers de guerre turcs, et il a fouillé notamment dans le quartier que Woolley a appelé par la suite EM, et il a décrit ses découvertes de la façon suivante. Le 19 février, davantage de tablettes ont été trouvées à côté d'un mur en briques cuites, y compris une particulièrement jolie, donc numéro 113915, qui est maintenant au British Museum, et qui contient une série de présages dérivés de l'observation du vol des oiseaux. Et c'est un texte qui date des environs de 2000 avant Jésus-Christ. D'autres tablettes, au même endroit, contenaient des prescriptions médicales, des documents administratifs et juridiques de la même période. La tablette en question a été publiée par Weisberg en 1969 seulement, et c'est ce qu'on appelle un précurseur de la série Shumma-Alu. Et plus de détails ont été donnés sur la découverte par Irving Finkel dans sa contribution au mélange Lambert paru en 2000. On peut mentionner ici un lot du British Museum qui est un réel trésor dont le présent auteur, donc Finkel, prépare actuellement la publication, à savoir les tablettes médicales d'époque Isin Larsa, mentionnées par Hall dans « A Season's Work at Our », paru à Londres en 1930, page 173. Ces tablettes donc contiennent de nombreuses graphies explicites et sont purement thérapeutiques. Il n'y a pas la moindre trace de magie dans les textes identifiés. Donc Finkel ici ne parle que des textes médicaux et pas des documents d'archives trouvés en même temps. Malheureusement, 18 ans plus tard, ces textes sont toujours inédits. Revenons au passé et à la période majeure de cette histoire, à savoir les 12 campagnes de Woolley entre 1922 et 1934. Alors rétrospectivement, on se dit que Woolley a eu beaucoup de chance. Il faut savoir qu'au départ, c'était pas du tout son choix. Our fut un pis-aller. Il aurait aimé reprendre la fouille de Carchemish qu'il avait entamée avant la Première Guerre mondiale, mais le malheur, c'est que, à la suite de la guerre, eh bien, la frontière nouvellement créée entre la Turquie et la Syrie passait à travers le site, coupant entre la ville haute et la ville basse, et donc il s'est rendu sur place peu après la fin de la guerre, et il s'est rendu compte qu'il ne lui était pas possible de reprendre les fouilles. Or, au même moment, la Société des Nations confiait à la Grande-Bretagne un mandat sur l'Irak nouvellement créé à partir des dépouilles de l'Empire ottoman, et ceci, bien sûr, était un encouragement pour les archéologues britanniques à reprendre et développer les fouilles déjà entamées auparavant, Par ailleurs, la loi des Antiquités autorisait alors le partage des objets découverts entre l'Irak et les expéditions qui menaient des fouilles. Donc le British Museum a été d'accord pour financer l'expédition, mais comme après la guerre, ses ressources avaient beaucoup diminué, eh bien, il s'est associé à une institution plus riche, américaine, l'University Museum de Philadelphie. Et c'est pourquoi les découvertes faites par Woolley sont aujourd'hui réparties entre trois musées, le British Museum à Londres, le musée de Philadelphie et le musée de Bagdad. À partir de 1922, donc, Woolley a mené 12 campagnes de fouilles, une chaque année. Et quand on dit une campagne annuelle, c'était des campagnes qui duraient plusieurs mois, avec une équipe d'environ 5 personnes. Alors la présence d'un architecte était une évidence. Pendant deux campagnes, ce fut un certain Newton. Et puis entre 1925 et 1930, quelqu'un qui s'appelait Algernon Whitburn. Woolley eut presque toujours avec lui un épigraphiste, comme le père Burroughs sur une photo célèbre de 1929. Ce qui a rendu la photo célèbre, c'est le chat de Madame Woolley, bien sûr. Et de fait, la moisson en texte a été impressionnante. Et Woolley a été aidé à partir de 1925 par une jeune veuve, Mrs. Keeling, au départ dessinatrice de la mission, ce qui conduisit le directeur du musée de Philadelphie à lui faire des remarques sur l'inconvenance de la situation. Songez donc, une femme seule au milieu de quatre hommes. Et sommé de ne plus emmener sa dessinatrice avec lui sur le chantier, Woolley décida de l'épouser dès 1927. Ce mariage ne semble pas avoir été très heureux, mais leur collaboration a été fructueuse et Woolley a toujours rendu un hommage appuyé à l'aide qu'il a reçue de son épouse. Et de fait, les talents artistiques de sa femme l'ont grandement aidé à populariser ses découvertes. J'y reviendrai par la suite. Woolley a également été secondé par Max Mallowan et on sait que ce dernier finit par épouser Agatha Christie, qu'il a rencontrée sur le site d'Our où elle était en visite. Et pour la petite histoire, Agatha Christie se serait amusée à faire de l'épouse de Woolley la victime dans son célèbre roman « Meurtre en Mésopotamie ». Donc si vous voulez voir la personnalité de Madame Woolley, eh bien lisez ou relisez ce roman. Plus sérieusement, Woolley a été aussi très efficacement, secondé par son contremaître, qu'on trouve généralement cité sous le nom de Hammoudi. En fait, c'est Cheikh Hammoudi ibn Ibrahim, qu'il avait connu quand il dirigeait les fouilles de Carchemish avant la Première Guerre mondiale. Et donc, pour ce personnage, venir dans le sud de l'Irak ne posait pas de problème parce que les frontières modernes n'avaient pas beaucoup d'existence à ses yeux, bien entendu. Et donc, Hammoudi est venu chaque année avec d'abord deux, puis trois de ses fils. Et ils ont eu à encadrer jusqu'à 300 ouvriers, grâce auquel Woolley a pu se livrer à des dégagements d'une très très grande ampleur, ce que vous pouvez constater en comparant une vue aérienne prise au début des travaux et une autre, au contraire, prise vers la fin. Alors ça, c'est l'avantage d'avoir la Royal Air Force à sa disposition. On peut demander des survols de son site et avoir comme ça des vues aériennes intéressantes. Ceux qui connaissent les travaux d'André Parot à Marie, ben c'était pareil. Hein, c'était l'aviation française du Levant qui a pris régulièrement des vues aériennes montrant la progression de la fouille du palais de Marie. Il est assez difficile de résumer chronologiquement les fouilles de Woolley dans la mesure où de nombreuses opérations ont duré plusieurs campagnes, certaines étant parfois menées en parallèle. Il est très important de relire les rapports préliminaires qu'il a donnés chaque année dans une revue intitulée Antiquaries Journal, car on se rend compte parfois qu'il a été amené à réinterpréter certaines découvertes dans ses rapports définitifs en fonction de découvertes postérieures, ce qui est bien légitime, mais qui parfois aussi a pu conduire à certaines distorsions. Et désormais, on a les rapports qu'il écrivait tous les mois pendant la campagne à ses bailleurs de fonds. Donc on a trois strates, les rapports mensuels, les rapports définitifs en fin de campagne, les rapports préliminaires, pardon, en fin de campagne, et les rapports définitifs dans les ouvrages. Le site Our Online a tenté de résumer les fouilles de Woolley en trois phases. La première phase regrouperait les cinq premières campagnes, avant tout consacrées à la ziggourate et aux bâtiments publics à l'intérieur du mur d'enceinte du sanctuaire d'époque néo-babylonienne, ce que voulait désigner souvent comme le Téménos de Nabucodonosor. La deuxième phase aurait correspondu à la deuxième moitié des années 20, lorsque Boulez se consacra avant tout au cimetière royal, avec 600 tombes fouillées en 1927, en moins de 3 mois, 454 en 1928-29, et pour finir, 350 en 1929-30. Et la troisième et dernière phase a surtout été consacrée au niveau proto-historique, comme on dit de nos jours, préhistorique, comme on disait à l'époque, la dernière campagne se terminant donc en février 1934. Alors, un tel résumé n'est pas faux, mais en rentrant dans le détail, comme nous allons le faire maintenant, on va voir que c'est une grande simplification par rapport à une réalité beaucoup plus riche, surtout pour la phase 2. La première campagne, donc, elle a été marquée par différentes tentatives. La première, c'est ce que Woolley a appelé TTA, c'est-à-dire Trial Tranche A, la tranchée d'essai A, et il se trouve qu'il est tout de suite tombé sur les tombes royales. Et il a eu la grande sagesse d'arrêter tout de suite ses fouilles, en comprenant que dans l'état d'impréparation où lui-même était, et surtout dans l'état dans lequel se trouvaient ses ouvriers qui découvraient la brique crue et les techniques de fouille à ce moment-là, ça n'était pas possible de continuer à fouiller à cet endroit-là. Donc il s'est dit, j'attends quelques années. Donc il avait une vue déjà sur la longue durée. Et donc il s'est arrêté et il n'a repris que quatre campagnes plus tard. Alors, du coup, il a fait une autre tentative, TTB, la Trial Tranche B, et c'était le début de la fouille d'un bâtiment qui est décrit généralement par les archéologues comme Enunmar, mais il faut savoir que le nom d'origine véritable, c'est Ganunmar. Ganunmar, en sumérien, ça signifie magasin, et c'est le grand magasin du temple, mais par la suite, au premier millénaire, le roi Nabucodonosor l'a restauré et en a fait un véritable temple, et donc le nom est devenu Enunmar avec une nouvelle étymologie, on aura l'occasion d'y revenir. Là, grande chance, dans une des pièces, découverte de nombreuses inscriptions royales de toutes époques, qui ont été, à un moment donné, ramenés de différents endroits du site, sans doute à l'époque néo-babylonienne, et stockés à un seul et même endroit. Et ceci a été une chance, puisque, bien que ces inscriptions n'aient pas été retrouvées in situ, elles ont tout de suite donné un cadre chronologique extrêmement solide à la mission. Et puis, dans sa première campagne, Woolley a commencé à dégager donc ce Téménos de Nabucodonosor II, un mur d'enceinte qui isolait le grand sanctuaire du reste de la ville. Pour cette première campagne, l'épigraphiste était Sidney Smith, qui était conservateur au British Museum, et dans son obituaire, Wiseman écrivit à son sujet « L'expérience l'a conduit en Irak et à connaître ses possibilités archéologiques, quoique la nature restrictive de quelques aspects de la vie et de la pratique de l'expédition n'ait pas été véritablement appréciée par lui. Donc on voit que sortir de Londres pour aller dans une maison de fouille au confort assez rustique ne semble pas lui avoir plu. Et Wiseman l'avait connu personnellement, donc c'est des souvenirs qu'il évoquait là. Mais ça n'a pas empêché Sidney Smith de devenir juste après directeur des Antiquités et directeur de l'Irak Museum, il est vrai, à Bagdad, où les conditions de vie étaient bien différentes. Deuxième campagne, 1923-1924, essentiellement consacrée au site voisin de Tel Obeid, dont on reparlera dans le troisième cours. Et le reste de la campagne a été consacré essentiellement au dégagement de la ziggourate et de l'espace attenant au nord-est que Woolley désignait comme la cour de Nana. L'épigraphiste pour cette deuxième campagne a changé. Il s'agissait de Cyril Gad, lui aussi conservateur au British Museum. Et dès 1928, Gad a publié, avec la collaboration de Legrain, de Sidney Smith et de Eric Burrows, le premier volume de la série Our Excavation Text, série dont il a été l'éditeur jusqu'à sa mort en 1969. Et il a publié en 1929 un livre qui s'appelait Histoire et monuments d'Our. La troisième campagne a eu lieu en 1924-25 avec la poursuite des travaux de dégagement de la ziggourate et de la cour de Nana. Hein, il s'agit d'ensembles monumentaux gigantesques, donc avec des problèmes de déblaiement et d'organisation du travail tout à fait considérable, bien sûr. Et c'est aussi à ce moment-là que le bâtiment, qui s'appelait dans l'Antiquité Double Amarre, a été fouillé. Et c'est là où Woolley a fait une découverte extraordinaire pour l'époque de la troisième dynastie d'Our, car dans une des pièces, sous le sol d'époque cassite, eh bien, Woolley a découvert un nombre considérable de tablettes qui dataient de la troisième dynastie d'Our, et il décrit lui-même en disant qu'il a retrouvé jusqu'à 5 à 6 couches de tablettes soigneusement empaquetées ensemble, et il nous dit comme si elles étaient tombées des étagères dans lesquelles elles avaient été stockées, alors qu'en réalité, ce sont des tablettes qui ont été mises là pour faire un remblai et recouvertes donc par des dalles au moment où on a rehaussé le sol de la pièce. Mais donc ça a été des centaines et des centaines de tablettes qui ont été retrouvées ainsi dans ce bâtiment. Et pour la première fois, Woolley a montré dans son rapport de l'enthousiasme pour le travail de son épigraphiste. Cette fois-ci, c'était le père Léon Legrain. Pour le côté épigraphique du travail, je m'étais associé le docteur Léon Legrain de l'University Museum, donc de Philadelphie, à l'aide duquel je dois plus que je ne puis dire, même dans le présent rapport préliminaire, il sera clair à quel point nos découvertes ont gagné en intérêt et en valeur grâce à son étude des inscriptions. Et de fait, Legrain devait publier la quasi-totalité des textes d'Our III découverts à ce moment-là, soit 1800 tablettes, dans le double volume de UET III, les planches étant publiées en 1937, les index et le catalogue 10 ans plus tard. La quatrième campagne, en 25-26, a conduit d'abord à la fouille d'un bâtiment au sud de la ziggourate qui s'appelait le Guipard. C'était un bâtiment qui contenait à la fois le temple de la déesse Ningal et la demeure de la prêtresse Entoum. Nous aurons un cours entier sur ce bâtiment et ce qu'il représentait. Il a fouillé également des maisons donc d'époque post-paléo-babylonienne, d'époque cassite et post-cassite. Et puis, il a également fouillé, plus au sud, dans le mur d'enceinte néo-babylonien, un bâtiment qui s'appelait Erursag, qui est décrit comme un palais par Shulgi dans ses inscriptions, mais qui semble avoir eu un rôle avant tout cultuel et dont on peut voir encore aujourd'hui des restes assez bien conservés. Et à la fin de la campagne, Woolley a fouillé le site EH, qui se trouvait donc au sud-ouest de cette zone. Et pour cette campagne, l'épigraphiste était resté Léon Legrain. Le Collège de France et France Culture vous présente l'assyriologue Dominique Charpin, La ville d'Our à l'époque paléo-babylonienne, aujourd'hui, histoire des fouilles et des publications. La cinquième campagne eut lieu de 1926 et 1927. Woolley a poursuivi la fouille du quartier qu'il avait commencé l'année d'avant, mais cette fois-ci à l'ouest du Téménos néo-babylonien, donc un quartier qu'il a appelé EM. Mais il faut bien comprendre qu'au deuxième millénaire, le mur d'enceinte néo-babylonien n'existait pas, et en fait, on avait un seul et même quartier. Là aussi, on y reviendra. Il a poursuivi la fouille du Ganounmar. Il a continué à s'intéresser au Téménos de Nabucodonosor II. Malowan a fouillé de son côté un bâtiment qui a été présenté comme le trésor du roi Sinidinam. On aura l'occasion d'y revenir. Et surtout, c'est à ce moment-là donc qu'il a décidé que le temps était venu de reprendre la fouille des tombes royales. Et il a dégagé les 600 premières tombes à ce moment-là. Pour cette cinquième campagne, l'épigraphiste changea. Ce fut un père jésuite nommé Eric Burroughs qui avait étudié l'assyriologie à Oxford avec Langdon. Et il faut dire que le catalogue des tablettes découvertes lors de cette campagne est très bien fait. Et chance pour nous, Burroughs est revenu pour les sixième, septième et huitième campagnes. Donc ça a été l'épigraphiste qui a collaboré le plus longtemps avec Woolley. Sixième campagne en 1927-28, suite des tombes royales, avec des objets précieux dont je ne vous montrerai que quelques-uns, mais qu'il est facile de voir. Mais comme ce sont des objets du troisième millénaire, ils sont antérieurs à la période à laquelle ce cours sera consacré, donc de la vaisselle en or, des objets artisanaux absolument extraordinaires, comme ce bouquetin debout sur un arbre, et puis, bien sûr, j'y reviendrai tout à l'heure, les fameux instruments de musique trouvés dans ces tombes. Les découvertes effectuées par Woolley lors de cette campagne ont été tellement riches que lorsqu'il a envoyé un télégramme à ses sponsors, les directeurs du British Museum et du musée de Philadelphie, eh bien, il a eu un problème parce que il utilisait les services du télégraphe de Nasrieh, la ville voisine, et il avait peur que le bruit s'évente. Et donc, pour ne pas risquer de tenter des gens qui auraient eu connaissance du contenu de son télégramme, il a décrit ses découvertes en latin. Là aussi, autre temps, autre mœur. Hein, et puis, cette campagne a été également consacrée à la suite du dégagement de ce qu'il appelait donc la cour de Nana. À la septième campagne, 1928-1929, suite du dégagement de la cour de Nana, suite des tombes royales, avec 454 tombes, mais aussi, dans ce secteur, la découverte de nombreuses tablettes archaïques, les premières ayant été récoltées lors de la cinquième campagne. Donc des tablettes de l'époque protodynastique. L'épigraphiste, donc, était toujours Burroughs, et il publia, dès 1935, ses tablettes archaïques dans le volume UET2. J'y reviendrai tout à l'heure. La huitième campagne eut lieu en 1929-30, suite des tombes royales, avec 350 tombes, une étude stratigraphique avec le sondage F, une étude plus détaillée du plan du temple de Nana, et puis également l'étude du temple d'Enki, des fortifications et de la zone du port. Et l'épigraphiste fut pour la dernière fois Burroughs. Et Burroughs est mort dans un accident de voiture encore très jeune, en 1938. Et Woolley lui rendit hommage dans le Times à ce moment-là. Il est impossible de décrire sa valeur comme savant sans ajouter un mot de regret pour l'une des personnalités les plus charmantes qui triomphait toujours sur les difficultés de la vie de notre camp pour sa gaieté et son humour particulier qui recouvrait ses convictions les plus profondes. Neuvième campagne en 1930-31, ce fut une campagne, là encore, incroyablement fertile. Woolley avait, la campagne d'avant, en dégageant les tombes royales, rencontré un mur avec une inscription du roi d'Ourtrois, qu'il appelait à l'époque Boursine, qu'on appelle maintenant Amarsine, et il s'était dit, oh bon sang, est-ce que par hasard, j'aurais pas les tombes des rois de la troisième dynastie d'Our, donc des tombes postérieure à celle qui fouillait, de l'extrême fin du troisième millénaire, et c'est ce qui s'est passé. Et il a dégagé des tombes absolument extraordinaires, qui sont toujours en état aujourd'hui, et qui malheureusement avaient été pillées dans l'Antiquité, mais ça, il s'y attendait, il avait repéré très vite des signes de pillage antique, mais malgré tout, qui sont donc, pour l'histoire de l'architecture, quelque chose de tout à fait étonnant. Il fouilla également le palais de la fouille de la fille de Nabonide, qu'on appelait à l'époque Belshaltinana, et dont le nom est aujourd'hui transcrit En-Nigaldi-Nana en sumérien. Mais c'est aussi pendant cette campagne qu'il dégagea toutes les maisons du quartier Ahash, au sud de la ville, donc un travail absolument considérable, là aussi, sur lequel nous reviendrons en détail, et également, donc voilà une reconstitution faite par l'architecte de l'époque de ce que pouvait donner une de ces maisons telles que voulait les reconstituer, et également les maisons néo-babyloniennes situées juste au sud et qui apparaissaient immédiatement sous la surface. Donc du point de vue de l'histoire de l'urbanisme, il avait à la fois une ville d'époque néo-babylonienne et une ville paléo-babylonienne antérieure d'un millénaire, ce qui était quelque chose de tout à fait extraordinaire dans les connaissances de l'époque. Il n'y avait aucun site qui offrait sur une telle étendue autant de quartiers d'habitation. Malheureusement, le nouvel épigraphiste ne fut guère à la hauteur du travail. Chauncey Winkworth était lecturer en assyriologie à Cambridge. Il n'est absolument pas connu. La seule publication que j'ai pu trouver sous son nom, c'est la copie de trois briques inscrites qui ont été publiées par Solberger dans UET8. Et apparemment, Woolley n'a pas été très satisfait de son travail. Ça se sent à la lecture de ce rapport dactylographié donc, que j'ai consulté sur le site Our Online. J'ai le regret de dire qu'au début de ce mois, M. Winkworth était malade et comme le traitement qu'on pouvait lui donner sur place réussissait pas, on a dû l'emmener à l'hôpital à Bassora, où il a été gardé pendant 2 semaines souffrant de dysenterie. Il est maintenant revenu et capable de travailler à nouveau, mais son absence à un moment où le matériel inscrit sortait à un rythme assez élevé signifie que, du point de vue du travail de l'épigraphique, eh bien, il y a eu des retards. La connaissance de M. Railton, qui était un architecte de la mission à ce moment-là, en cunéiforme, s'est montré utile dans l'intérim, mais beaucoup de travail de copie a dû être laissé de côté, et Woolley ajoute dans ses rapports, qui sont aussi des rapports financiers, dans ce cas également, j'ai eu à faire face à des dépenses inattendues. Mais ce manque d'enthousiasme à l'égard de Winkworth s'explique lorsque, aujourd'hui, on a accès aux catalogues, aux fiches qui ont été faites sur le moment même par Winkworth et qui est très insuffisant, alors que cette 9e campagne, en 1930-31, c'est le moment où les archives des maisons paléo-babyloniennes du secteur AH étaient découvertes. On en reparlera plus tard. Pour les 3 dernières campagnes, Woolley n'eut pas d'épigraphiste. Alors, on pourrait se dire qu'il a été dégoûté par la qualité du travail de Winkworth. En réalité, non, c'est parce que le travail qu'il a mené pendant les 3 dernières campagnes n'exigeait pas la présence constante d'un épigraphiste, puisqu'il a encore travaillé sur le cimetière royal, et à nouveau, il a précisé la fouille de la zone de la ziggourate et de ses environs. Et c'est la raison pour laquelle il s'était arrangé de façon que Cyrus Gordon, qui était l'épigraphiste de la mission de Tel Billa en Irak du Nord, qui faisait partie de l'expédition de l'université de Philadelphie, eh bien passe à la fin de la mission pour regarder ce qui avait été découvert. Et c'est ce qui s'est passé. Mais il y avait en effet pas grand-chose à se mettre sous la dent. 11e campagne, donc à nouveau la ziggourate et ses environs, et un autre sondage en profondeur, Pit W, au sud-ouest du cimetière royal, donc des points d'architecture et la période proto-historique. La 12e campagne, vous le savez que c'était la dernière, n'a pas été très très longue, il y a eu encore un sondage profond, et puis des travaux complémentaires sur l'enceinte du temple, pour essayer de préciser son contour au 3e et au 2e millénaire, par rapport au Téménos d'époque néo-babylonienne, et la suite des maisons néo-babyloniennes, tout à fait au sud du site, donc là encore pas d'épigraphiste. Et la mission s'arrêta à ce moment-là. Non pas que le site ait été épuisé, loin de là, mais parce que la loi des antiquités, qui venait d'être promulguée, mettait fin au partage des objets découverts. Et donc les grands musées occidentaux, qui finançaient des fouilles en Irak, en guise de protestation, décidèrent d'arrêter leur soutien. C'est pour ça que la fouille d'Ur s'est arrêtée à ce moment-là, mais c'est aussi pour cela qu'au même moment, la fouille de Larsa que Parot venait de lancer s'est arrêtée, le musée du Louvre ne voulant pas continuer à financer à fond perdu une opération de ce genre. Et pour Parot, ça a été la chance de sa vie, puisqu'il était en quelque sorte au chômage technique au moment où le site de Marie a été découvert. Et, là encore, ça a été l'affaire de sa vie. Et il faut préciser que la loi des antiquités dans la Syrie sous mandat français avait conservé le partage. Et donc, à partir de 1934, Woolley a consacré les années suivantes non seulement à la publication de ses travaux à Ur, mais aussi à la fouille d'un nouveau site, Tel Achana, l'antique Al-Alar, qui se trouvait à l'époque en Syrie, avant que la France n'organise le référendum qui aboutit à rattacher cette région à la Turquie. Mais ceci est une autre histoire. Je passe donc à la question des publications. En commençant par indiquer que les méthodes de fouille de Woolley étaient celles de son temps. Donc quand on voit autant d'ouvriers qui, sans personne pour superviser leur travail, fouillent dans le cimetière royal, on a quelques frissons. Mais il faut dire aussi que Woolley a été extrêmement ingénieux, par exemple lorsque il a réussi, en injectant du plâtre liquide dans des trous, à reconstituer la forme des instruments de musique qui étaient découverts dans les tombes et à aller en retrouver la forme. Ceux qui sont intéressés peuvent regarder le catalogue de l'exposition du Louvre-Lens sur la musique de l'Antiquité. Vous avez davantage de détails à cet égard. Alors évidemment, aujourd'hui, quand on songe à toutes les informations qu'il serait possible de tirer de ces tombes royales avec les techniques qui sont maintenant à notre disposition, on a des regrets, mais voilà, c'est comme ça que se fait l'histoire d'une discipline. Et il faut reconnaître à Woolley de grandes qualités. Ce fut d'abord un organisateur et un meneur d'hommes hors pair. Ce fut aussi un vulgarisateur de grand talent. Et le plus important, sans doute, c'est que Woolley eut à cœur de publier les résultats de ses fouilles d'une manière qui est véritablement exemplaire pour son époque. Il organisa deux séries parallèles, l'archéologie dans la série UE, Ur Excavations, et les textes dans celle des UET, Ur Excavation Texts. On va commencer par la publication des fouilles. Des grands volumes avec un dos rouge qu'on peut reconnaître tout de suite et une numérotation des 9 volumes qui a été faite de manière logique et qui ne correspond donc pas à la date de publication. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut bien savoir lorsque on utilise ces 9 volumes. 5 ont été publiés du vivant de Woolley et les 4 derniers après sa mort en 1960, mais il en avait achevé la rédaction. Alors la qualité d'édition des volumes posthumes est variable, le pire étant le volume 6 consacré à l'époque de la 3e dynastie d'Ur, parce que dans ce volume, la numérotation des pièces de certains bâtiments n'est pas identique dans le texte et dans les planches, sans que ce soit indiqué au lecteur et sans qu'une concordance soit donnée. Et heureusement maintenant, un étudiant de Munich postdoctorant de Munich, a réussi à retrouver la clé et du coup, ça permet de réinterpréter beaucoup de choses. Donc vous avez un premier volume rédigé en collaboration avec Hall sur la fouille de Obeid, la publication du cimetière royal, un volume dû à Legrain sur les impressions de sceaux archaïques, un volume de Woolley sur les périodes les plus anciennes, ensuite, un volume sur la ziggourate et ses environs, et puis les bâtiments de la 3e dynastie d'Ur, la période paléo-babylonienne, la période cassite et post-cassite, et enfin la période néo-babylonienne et perse. Donc, un mélange entre une publication chronologique et puis, pour certains endroits, au contraire, une publication par zone. Woolley a toujours eu à cœur de toucher le grand public. Il écrivit dès 1929 un livre intitulé Ourencaldé, qui connut de nombreuses réimpressions, une nouvelle édition en 1950 et a été transformé en Excavations at Ours en 1954, un livre qui a été réédité en 1982 avec des révisions qui sont dues à Mouret. Il y a eu une édition française chez Payot en 1938 de la première version, mais le plus intéressant, c'est la traduction française de 1957 en grand format, parce qu'elle contient des images de bien meilleure qualité que n'importe laquelle des éditions anglaises. Donc si dans une brocante vous tombez sur ce livre, qui est plus grand qu'un format A4, n'hésitez pas à vous le procurer. Les très abondantes informations recueillies sur plus de 5 millénaires d'histoire ont permis à Woolley donc de publier ces 9 volumes, mais bien entendu, le matériel n'a été publié que de manière sélective, et donc le but du projet Our Online, réalisé entre 2013 et 2016, a été de placer à la disposition de tous l'intégralité de la documentation conservée à Londres et à Philadelphie, donc les photos de chantier dans leur totalité, alors que dans les publications, on n'en trouve qu'un choix, des photos prises par des membres de la mission à titre privé. Il y a des photos de Léon Legrain, par exemple, qui sont tout à fait intéressantes sur l'environnement. J'en montrerai sans doute quelques-unes. Les fiches, les carnets de fouilles, etc. Tout ça est directement consultable avec des liens, soit par type d'objet, soit en fonction des différentes campagnes, etc. J'en vais maintenant à la publication des textes, et il me faut commencer par deux préliminaires. D'abord, dire que les tablettes ont été retrouvées pour la plupart en argile crue, et elles ont été cuites sur le chantier, selon une technique qui était courante à l'époque. Et j'ai trouvé sur la toile une photo qui a été mal légendée. On nous dit que Catherine Woolley et le cher Hamoudi Ibn Ibrahim sont en train de trier des découvertes lors de la campagne 1928-29. Et si on regarde de près ce que tient Hamoudi en main, en réalité, c'est une tablette cunéiforme, mais ils sont pas du tout en train de trier. Ils sont en train de remplir une boîte en fer blanc avec des tablettes. On mettait en effet une couche de sable, des tablettes, une couche de sable, des tablettes, et ainsi de suite, jusqu'à ce que ce soit plein. Et ensuite, cette boîte était mise à cuire avec un grand feu. Le problème était qu'on contrôlait pas très très bien la température, et ceci donc donnait plus de solidité aux tablettes avant qu'elles ne soient transportées. Donc je suis persuadé que c'est cette scène du remplissage pour cuisson des tablettes qui est ici représentée. Alors toutes les tablettes ont été envoyées au British Museum pour conservation et pour étude, et c'est seulement après leur publication qu'elles ont été partagées entre les trois musées, Londres, Philadelphie et Bagdad. Et c'est quelque chose qui en soi est un peu malheureux, parce que ce partage a été fait de façon purement mécanique. Numérotant à numérotant, ça part dans tel musée. Numérotant à numérotant, ça part dans tel autre, etc. Et de ce fait, eh bien, pour les recherches par lot d'archives, on a des tablettes qui se trouvent réparties dans les trois musées. Donc, si on veut aller collationner les originaux, eh bien, il faut aller dans les trois musées. Par ailleurs, tout n'avait pas été publié au moment du partage, de sorte qu'il est resté surtout des fragments inédits, notamment pour les périodes d'Ourtois et pour le Paléo-Babylonien, dans chacun des trois musées. Et ces restes ont été publiés par la suite dans des livres ou des articles, je l'indiquerai. Alors, par ailleurs, on a affaire à des publications traditionnelles, c'est-à-dire que les épigraphistes copiaient les tablettes, faisaient un catalogue, dans le meilleur des cas, donnaient des index, mais il n'y avait pas d'édition des textes. Et le principe de répartition qui a été choisi par Woolley et Gad, ça a été une répartition mi-thématique, mi-chronologique, et donc on a trois grands ensembles. D'abord, les inscriptions royales, donc un premier volume, j'ai déjà indiqué, paru en 1928, qui était UET 1, et un complément qui a été publié par Edmond Solberger dans UET 8 en 1965. On a ensuite des documents d'archives qui, naturellement, ont été publiés de manière, en fonction de la chronologie. Donc il y a eu, pour le début du troisième millénaire, l'ouvrage de Burroughs, UET 2, qui a été édité dans un livre de Pomponio et Alberti en 86. Et il y a eu des compléments qui ont été donnés par Camille Lecomte ces dernières années. Pour l'époque de la troisième dynastie d'Our, j'ai déjà parlé des deux grands volumes de Léon Legrain, qui ont été complétés par Darlene Loding en 1976, qui a édité les tablettes qui restaient à Philadelphie, et différents auteurs ont publié depuis ce qui restait inédit au Musée britannique. Pour le deuxième millénaire, eh bien, on a un gros volume dû à Figula et Martin UET 5, donc lettres et documents de l'époque paléo-babylonienne, qui ont été complétés par Gabriella Spada et Jeremy Black dans deux volumes. Et puis, pour la suite, on a eu l'ouvrage de Gurney pour l'époque médio-babylonienne et pour le premier millénaire, l'ouvrage de Figula, donc respectivement UET 7 et UET 4. Et enfin, pour les textes littéraires et religieux, trois volumes, les deux premiers dus à Gad et Kramer, qui ont été collationnés par Marie-Christine Ludwig, et le troisième, qui est dû à Aaron Schaeffer. Alors, quelques remarques de type historiographique. On peut remarquer, dans la liste des auteurs de ces volumes de la série UET, que seuls les volumes 1 à 3, et le 6 en partie, sont dus à des assyriologues qui ont été des épigraphistes de terrain de Woolley. Il y a à cela plusieurs raisons. D'abord, la masse considérable des textes. Il y a eu aussi la mort prématurée de certains collaborateurs comme le père Burroughs dont j'ai déjà parlé, l'incapacité de certains autres comme Winkworth qui n'est mort qu'en 1954 mais ne semble pas avoir été associé à la publication des textes qui avaient été découverts quand il était épigraphiste, et donc la publication des textes paléo-babyloniens a été et pas seulement eux d'ailleurs, a été confié souvent à des conservateurs du British Museum, comme Figula, qui a copié les tablettes de UET 4 et UET 5, ou à d'autres savants, en fonction de leurs compétences. J'ai montré leur nom tout à l'heure. Par ailleurs, le système des publications, donc sans édition, a entraîné la publication de comptes rendus extrêmement développés, certains auteurs ayant écrit des articles très important à partir du matériel qui venait d'être publié. Par exemple, on en reparlera, l'article d'Oppenheim sur les marchands d'Our qui faisaient du commerce maritime dès 1954, donc un an après la publication du volume des archives paléo-babyloniennes dans UET 5. Krauss fit une recension traditionnelle de UET 5 en 1955, mais parallèlement a écrit un article sur des nouveaux documents juridiques de l'époque paléo-babylonienne, qui étaient les textes d'Our. Et Lehmans lui-même a écrit ce qu'on appelle un review article, un compte-rendu en forme d'article, sur les affaires, les documents d'affaires d'époque paléo-babylonienne d'Our, également en 1955. On va donc arrêter là la séance d'aujourd'hui et on terminera ce qui concerne l'histoire des découvertes la semaine prochaine. Et dans la deuxième partie de la séance, nous verrons un aperçu sur l'histoire politique d'Our pendant le début du deuxième millénaire. Je vous remercie de votre attention. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter Dominique Charpin, sa série « La ville d'Our à l'époque paléo-babylonienne ». Aujourd'hui, histoire des fouilles et des publications. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, les vidéos et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Dominique Charpin. Sa leçon inaugurale « Comment peut-on être assyriologue ?» a été publiée chez Fayard en 2015. Aux éditions Les Belles Lettres avec le Collège de France, il a publié « La ville méconnue des temples mésopotamiens » en 2017 et « Tuer mon sang, les alliances dans le Proche-Orient ancien » en 2019. Yeah. Iconographie web, Marion Barsac. Réalisation, Doria Zénil. Présentation, Meryl Moneghetti. Demain, nous retrouverons Dominique Charpin. Il évoquera la reprise des fouilles en 2015 et l'histoire d'Our, de la chute d'Our 3 à l'abandon par Samsou et Luna. Dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Je vous souhaite une très agréable journée à l'écoute de France Culture.